Grandet n'était pas embarrassé pour apprendre à Charles l'amour de son père. Mais il éprouvait une sorte de compassion. En le sachant sans un sou, il cherchait des formules pour adoucir l'expression de cette cruelle vérité. « Eh bien, mon garçon, dit l'oncle, j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Ton père est bien mal. »« Pourquoi suis-je ? Dit Charles. « Non, non, cria-t-il. Des chevaux de poste. » « Les chevaux et la voiture sont inutiles, répondit Grandet en regardant Charles qui resta muet et dont les yeux devinrent fixes. « Oui, mon pauvre garçon, tu devines. Il est mort. Mais ce n'est rien. Il y a quelque chose de plus grave. Il s'est brûlé la cervelle. « Mon père ? Oui, mais ce n'est rien. Les journaux glosent de cela, comme s'ils en avaient le droit. Tiens, lis. Il t'a ruiné. Tu es sans argent. Qu'est-ce que cela me fait ? Où est mon père ? Mon père ?» Charles, sans écouter son oncle, se sauva dans la cour, trouva l'escalier, monta dans sa chambre et se jeta en travers sur son lit en se mettant la face dans les draps pour pleurer à son aise, loin de ses parents. « Ce jeune homme n'est bon à rien. Il s'occupe des morts que de l'argent, » dit Grandet. Eugénie frissonna en entendant son père s'exprimer ainsi sur la plus sainte des douleurs. Dès ce moment, elle commença à juger son père.